La poésie Alzheimer, à propos du livre de Béatrice Guret, La tête qui tourne et la parole qui s'en va, publié chez Robert Laffont, 2018. La maladie d'Alzheimer et l'ensemble des troubles démentiels constituent un drame effroyable qui touche tant les malades que leur entourage. Dans ce fléau, de rares îlots de consolation. Dans un livre poignant, Béatrice Guret, grand reporter au journal Le Monde, fait le récit de l'affection qui touche simultanément ses deux parents. La maladie progresse d'abord souterrainement, à l'insu des proches, puis confronte brutalement les enfants à la dépendance irrémédiable de leurs parents. La recherche d'une EHPAD, accueillant ensemble le couple, s'avère compliquée et in fine cauchemardesque, avec une maltraitance déshumanisante. La journaliste assiste au morcellement inexorable de l'identité de ses parents, dont subsistent des éclairs subtils, émouvants, à la faveur de moments qui semblent surgir du néant, tandis que le père se retire dans un mutisme de plus en plus hostile. La mère conserve une aptitude à l'émerveillement qui la sauve du naufrage et qui ménage la douleur de ses enfants. Lorsqu'elle commente un paysage, un moment partagé en famille, et qu'elle manifeste un plaisir sincère, les mots qui se bousculent avec désordre conservent un pouvoir expressif vrai. D'abord, et même lorsque ce qu'elle dit n'a pas de sens littéral, elle exprime avec justesse un sentiment véritable et souvent le bonheur éprouvé de l'instant. Et ensuite, il en émerge une sorte de poésie légère. Je cite « Depuis que quelque chose rétrécit dans le cerveau de mes parents, leur puissance poétique augmente. Des courts-circuits mystérieux font migrer la pensée, la perception du monde, les sentiments vers des continents étranges. Ils sont là, et je les connais, mais ils n'y sont plus tels qu'ils étaient. » Page 81. Liliane, la mère, était décrite enfant drôle, espiègle, pleine de fantaisie. Une aptitude à tourner les événements à son avantage, qui semble résister aux effets de la maladie. Peut-être ce trait de caractère lui a permis de conserver une sorte de jeu avec la langue amoindrie. Mais la poésie du langage désarticulé, recomposée approximativement, je cite, « Je suis bien, je n'ai pas de mauvais soupirs qui se baladent. Je me suis bien reposé, tu sais, comme on a un château dans le pays rouge, et on a changé le poisson, on a supprimé la... Viens donc, je voudrais être avec toi, ce serait plus intelligent. » Cette poésie consolatrice n'est présente que dans l'oreille de sa fille. Il n'y a pas de poésie sans poète, sans intention poétique. Le livre de Béatrice Guret éclaire le sort terrible réservé à des personnes diminuées, que l'altération des facultés cognitives semble avoir retirées du monde des humains. La poésie du langage qui se défait, c'est la manifestation de la compassion chez l'auditeur. Retenons la leçon, que leur soit conservée une dignité à laquelle nous avons tous droit.